belle au bois dormant, tu dormiras longtemps avant que je ne vienne. Je demande partout le grand amour, c'est où? Où est-elle ma reine? Je le demande à tous et même à la grande ours, je le demande aux chiennes. Personne ne m'entend, tu dormiras longtemps avant que je ne vienne. Ma belle au bois dormant. Ma belle au bois dormant, tu dors depuis 100 ans, tu dors depuis des siècles. Et moi je cours toujours, et mon corps se fait lourd, et mon cœur fait des siennes. Je crois qu'il devient fou, battant les 400 coups pour des amours malsaines. Toi là-bas tu m'attends, tu dormiras longtemps avant que je ne vienne. Ma belle au bois dormant. Ma belle au bois dormant, vois, j'ai des cheveux blancs, regarde, je me traîne. Mon rouleau est au bout, je suis encore debout, mais je ne vis qu'à peine. Mon amour, ton château, c'est trop loin, c'est trop haut, j'en ai marre, je me couche. À mon tour maintenant, d'attendre calmement ton baiser sur ma bouche. Ma belle au bois dormant.